Alors, je vais commencer cette chronique avec une triste nouvelle. Et oui, grosse, grosse déception dans le monde des espoirs médicamenteux anti-Covid-19. Puisque les essais sur les capacités curative du sang de ver marin breton, petit animal qui vivait sous l'eau et arrivait à oxygéner de façon un petit peu accélérée l'oxygénation du sang. Cette étude, donc sur ce petit ver marin, vient d'être stoppée. Et oui, on vient de s'apercevoir que dans une précédente étude, lors de l'injection test à des petits cochons, il y a eu 100% de létalité, c'est-à-dire que tous les porcs sont morts après avoir reçu cette injection. Donc, bien évidemment, arrêt de cette étude. Donc, c'est drôlement dommage, de 1 pour les cochons, bien sûr, mais aussi parce que c'était quand même vachement plus chic que la chloroquine. Et bien justement, ça va être l'occasion de parler un peu de cette fameuse course aux médicaments miracle, de la chloroquine et de Raoul. Donc Raoul, c'est qui ce héros des temps modernes et surtout sur quoi qu'il fait son business? Eh bien, de façon très originale et engagée, Raoul a choisi depuis plusieurs années, et cela de façon réfléchie, décidée, hein, pas trop comme ça là, sans trop savoir comment s'y prendre, mais donc il a bien choisi, ce Raoul, de se faire une renommée et accumuler du pouvoir et du fric grâce à l'argent de l'industrie pharmaceutique et de la fraude scientifique. Et c'est effectivement une prouesse, hein, que l'on peut saluer et par son originalité et par son côté profondément anti-système. Car on le sait, l'industrie pharmaceutique n'a qu'une chose en tête, notre bonheur à toutes et tous. Tout comme donc Raoul. Mais lui, c'est même mieux, car en plus de notre bonheur, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il est un héros et qu'il se bat contre les méchants de ce monde. Donc on peut se poser des questions, hein, avec qui il se bat et comment il se bat. C'est qui ses alliés, avec qui il bosse, comment il bosse et qui le soutient politiquement. C'est quand même souvent des questions intéressantes à se poser. Donc Raoul est le patron d'une fondation, l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille. Le nom, ça claque, ça fait bien, on entend un peu CHU, on entend hôpital public. Eh bien en fait, pas du tout. Le principe des instituts hospitalo-universitaires, c'est au contraire d'avoir un statut de fondation. Cela leur permet de faire participer au maximum le privé dans leurs administrations. Et à l'Institut Universitaire Hospitalo de Marseille, ce sont comme entreprise choisie les laboratoires Mérieux et aussi dans le passé Sanofi. Mérieux envoie notamment des centaines de milliers d'euros tous les ans avec une traçabilité, et bien malheureusement difficile de savoir où est injecté exactement cet argent. Donc, quand Raoul se proclame indépendant, c'est carrément un gros mytho. Et oui, il a choisi le statut de fondation dans ce but de bénéficier d'investissements privés venant de très grandes firmes capitalistes et ça lui assure aussi une opacité sur ses propres conflits d'intérêts. Puisqu'en gros, les sous vont à la fondation, mais non directement dans sa poche de façon visible. Donc, grâce à Raoul, on a déjà plus 20 000 pour le système de merde. Aussi, qu'est-ce qu'il critique? Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il veut critiquer la lourdeur des protocoles scientifiques et surtout valoriser l'action, le bon sens pragmatique bien de chez nous. C'est-à-dire, il va y aller seul contre tous. Et du coup, niveau mise en scène, là, il y va, il y va. Mais donc, quand il dit nique le système, ça serait sympa de sa part quand même qu'il précise que le système qu'il veut niquer, c'est le système qui cherche à garantir de la validité scientifique et protéger un peu l'analyse des données de conflits d'intérêts. Conflits d'intérêts, qu'ils soient intérêts financiers, Raoul en a, du coup il veut niquer le système qui limiterait ses propres intérêts financiers dans l'analyse des données, ou aussi tout simplement l'intérêt égo trip sauveur du monde des chercheurs, et on voit bien que Raoul en a un petit brin aussi. Donc Raoul, ce qu'il fait finalement, c'est qu'il falsifie et il manipule clairement les données dans son intérêt propre. Par exemple, il a déjà été condamné pour fraude et interdit de publication, c'est quand même pas rien. Par exemple, il y a des procès dans sa fondation pour harcèlement sur des chercheurs pour que les résultats collent coûte que coûte avec ce que Raoult veut montrer à tout prix. Par exemple, dans ses résultats sur la chloroquine, il a tout bonnement supprimé sans explication les données qui n'allaient pas dans son sens. Par exemple aussi, il n'a jamais mentionné le fait qu'il avait connaissance d'un article publié au mois de mars dernier qui disait que la chloroquine n'avait pas d'efficacité sur le vivant dans une étude portant sur un autre type de virus. Bref, il n'y a pas de seul contre tous dans ce qu'il fabrique, bien au contraire, il y a s'adapter parfaitement aux règles du profit et de la renommée avant tout, et en n'en ayant rien à foutre des conséquences en termes de soins et de coûts sur la santé. Parce que l'effet boom que ça provoque la chloroquine, ça fabrique quand même de la grosse merde. Du coup, parce qu'avec la surutilisation en ce moment, et non justifiée donc, puisque les études montrent pas qu'il y a un intérêt à la chloroquine, il y a des gens notamment qui meurent par arrêt cardiaque, si on doit citer le plus grave. Ce que ça fabrique aussi, c'est que l'État de New York se blinde de stock en ce moment de chloroquine, et donc potentiellement, ça appauvrit la possible distribution de ce médicament dans des pays où c'est utilisé à raison, c'est-à-dire pour lutter contre les crises de paludisme. C'est quand même con. Et enfin, Raoult, ce héros anti-système, rappelons-le, a aussi les amis qu'il faut. Dans son grand combat contre les méchants, donc, ses alliés politiques, ce sont Estrosi, Renaud Muselier, président Les Républicains de la région PACA, ou Gilbert Collard, eurodéputé apparenté Rassemblement National. Ça laisse un poil inquiet quand même. Bref, Raoult, c'est un gros porc, absolument sans aucune originalité ni subversion dans ses actes et son discours, bien au contraire. Et c'est bien dommage qu'il n'ait pas été parmi les fameux porcs qui ont reçu l'injection de petits vers marins tueurs dans l'étude précédemment citée.